Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'exploratrice française Alexandra David-Nel. Alexandra était une cérébrale, avant tout. Et c'est comme ça qu'elle est devenue une grande exploratrice et un grand reporter. Je pense qu'elle est le plus grand reporter de notre siècle. Parce que citez-moi un autre reporter qui a justement vécu autant d'années dans un pays avant de le décrire. Elle a vécu 30 ans en Extrême-Orient. Elle parlait le français, l'anglais, l'allemand, le hollandais, l'italien, le tibétain, le sanskrit. Ça couramment, et dans ses archives, j'ai trouvé aussi des documents qui me prouvent qu'elle a été très loin dans les études de chinois, d'hindi et de pali. Marie-Madeleine Perronnet, secrétaire personnelle et biographe d'Alexandra David-Nel à l'émission Les Belles Heures en 1990. Femme d'exception, Alexandra David-Nel est à la fois exploratrice, orientaliste, philosophe, théologienne, bouddhiste et même cantatrice. Mais c'est d'abord en devenant la première occidentale à entrer à Lhasa en 1924, alors que la ville est interdite aux étrangers, qu'elle va faire sa marque et devenir instantanément une célébrité. Madame, si vous avez voyagé en Inde, au Tibet, vous aviez bien une raison pour choisir l'Asie pour vos voyages. J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose. Mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionnée de façon à ce que je choisisse cela? Il ne faut jamais dire si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bénémoine. Le bouddhisme du Bouddha, il se résume en trois choses. La permanence, la souffrance et le non-moi. C'est-à-dire, il n'y a pas une personnalité homogène qui existe dans l'individu. Ce que tenait dans nos pays, on appelle ça une âme. Ça n'existe pas pour les bouddhistes. Alexandra David-Nel en entrevue à l'émission L'invité du dimanche en 1969, l'année même de sa mort. Elle a 100 ans, elle est centenaire au moment de cette entrevue. Pour retracer le parcours de cette femme d'exception, je reçois l'historienne Évelyne Ferron. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Évelyne Ferron, cette figure d'Alexandra David-Nel? Ah, mais c'est l'intellectuel qui n'arrive pas, je dirais, à satisfaire sa curiosité. Je pense que c'est ce qui la caractérise le plus. Parce que vous l'entendez, elle a 100 ans. Oui. Elle meurt à 101 ans, puis elle est restée active jusqu'à la toute fin. Il fallait qu'elle comprenne le monde dans lequel elle vivait. Il fallait qu'elle comprenne, en fait, pourquoi l'être humain existait, pourquoi il était là. Et ça, ça va mener une partie de sa vie. Donc, il y a l'aventurière. Il y a un côté féministe à ça, de cette femme qui se dit, moi, les dictats de ma société ne m'intéressent pas. Je veux vivre une aventure. Je vais la vivre dans des conditions extrêmes, si ouais. nécessaire, parce qu'elle va arriver au Tibet en état de squelette, comme elle va le dire elle-même, parce qu'elle va faire tout un périple. Mais elle va avoir cette volonté de dire, moi, oui, je suis mariée, mais mon mari, j'ai pas besoin de vivre avec lui. J'ai du respect pour lui quand même, mais j'ai envie de partir à l'aventure. Je le fais. Je vais où je veux, quand je veux. Ouais. Et pour elle, c'était ça l'émancipation d'une femme, d'ailleurs. C'est de pas avoir de chaînes. Et elle est toute brisée, ces chaînes-là. Et à travers elle, bien, on voit aussi cette curiosité pour une philosophie qui, à l'époque, surtout, à laquelle elle a vécu, était très étrangère en Occident. Commençait à peine à avoir une idée de ce que c'était le bouddhisme. On l'entend dans l'entrevue, elle parle du non-soi. Parler de ça en Occident, contredire d'ailleurs l'existence même d'une âme, de parler du karma, je veux dire, c'était quelque chose de terriblement contradictoire avec les religions de l'époque. Donc, elle a brisé beaucoup de conceptions qui étaient figées aussi chez les Occidentaux. Une vraie exploratrice, et pas que dans ses voyages, mais dans son voyage intérieur aussi, dans explorer les zones inconnues. Le bouddhisme, ça fait partie de ça. Quand on grandit en France à cette époque-là et qu'on se convertit à 21 ans au bouddhisme, il y a déjà là cette qualité d'exploration. Exploratrice chez elle, plus que géographiquement. Parlons justement de son enfance, ce qui va la conduire à cette curiosité, à cette volonté d'explorer. Déjà, il faut le dire, elle aura une vie, elle va vivre 101 ans. Sa vie n'est pas banale, mais ça commence très tôt. Son enfance n'est pas banale non plus. Parlez-moi un petit peu de ses origines, de son milieu d'origine, de son enfance. Bien, son père est un protestant, franc-maçon, anarchiste aussi. Donc, à l'époque, bon, de la commune, des communards, c'est une époque qui est quand même très trouble. Donc, il est exilé, il va aller vivre à Bruxelles, il va aller en Belgique. C'est comme ça qu'il rencontre sa mère, d'ailleurs. C'est un couple, on pourrait dire, vraiment de bohème avant l'heure. Ils sont pas attachés aux biens matériels, ils ont une conception de la vie, la liberté. est au cœur de leur discours. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas élevé leur fille dans une tradition qui était, je veux dire, on est quand même dans la deuxième moitié du 19e siècle. En Angleterre, c'est la période rigide de l'époque victorienne. On est vraiment dans un univers complètement différent. Bon, il est pardonné, il va finir par pouvoir rentrer en France, mais c'est sûr que lui, il se dit, ma fille va être protestante, il l'a fait baptiser en secret comme protestante, sa mère l'aurait voulu catholique. Donc, déjà, la naissance de l'enfant crée une discorde au sein du couple. Ouais. Et on va avoir une jeune fille qui, très tôt, a une nature anxieuse, qui se demande qu'est-ce que je fais là, qui a de la misère à comprendre l'univers dans lequel elle vit. Quand on va d'ailleurs pendre et fusiller des communards au cimetière Père-Lachaise, son père va l'amener, elle est toute petite, va l'amener voir, en fait, les cadavres pour dire voilà, tu sais, le pays dans lequel tu vis. Donc, elle est confrontée à des images qui sont terriblement violentes aussi très tôt. Et donc, on sent qu'elle va, par elle-même, se mettre comme elle qui va le dire à des jeunes ou des choses comme ça, enfant, comme si elle essaie d'avoir un contrôle sur son corps. Elle ne comprend pas ce qu'elle est, en fait, comme petite fille. Donc, elle a une nature qui est assez particulière pour l'époque. Et cette quête-là, incessante et qui vient très, très vite, on le comprend bien en vous écoutant, va la conduire assez vite aussi. Je le disais, à 21 ans, alors qu'elle atteint l'âge de la majorité, elle se convertit au bouddhisme. Oui, il faut dire qu'elle a essayé de faire des fugues depuis l'âge de 15 ans. Elle a déjà comme une espèce d'esprit d'aventure. Elle se cherche. C'est littéralement ça qui est un peu le moteur chez elle quand elle est jeune. Et c'est en 1889 l'ouverture du musée des arts asiatiques, le musée Guimet, où là, on va avoir des collections qui arrivent de l'Inde, qui arrivent du Népal, qui arrivent de la Chine et du Tibet à travers tout ça. Mais c'est le bouddhisme qu'elle va découvrir. Et quand elle va découvrir le musée Guimet, pour elle, c'est une révélation. Elle est attirée par ça. Elle réalise qu'il y a d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser aussi, et que le moule dans lequel elle est née, il n'est pas obligatoire. Et c'est là, c'est le feu, c'est comme ça que ça naît. Il y a 21 ans, il s'est dit, ben voilà, moi, quand je commence à découvrir comment les bouddhistes pensent, c'est exactement ce que j'ai toujours cherché. Arrêter de me dire que si je fais ça, quelque chose de mal, je vais aller en enfer. J'y crois pas à l'enfer. Ouais. Alors là, le bouddhisme, lui, elle le dit, dans l'entrevue tout à l'heure, c'est une philosophie. Alors, c'est plutôt comment moi, j'ai envie de me comporter. C'est moi qui ai le contrôle, en fait, sur mes pensées, sur mes émotions. Et c'est ça qui va venir l'apaiser. Le fait que par la méditation, par la pratique, elle peut commencer à apaiser cette espèce d'inquiétude qui est en elle. Alors, dès 21 ans, c'est très, très rare, elle se convertit au bouddhisme. Mais à une époque, on est dans un mouvement de théosophie un peu partout. Conan Doyle, plus tard, va être là-dedans aussi, où on essaie de vivre une vie spirituelle qui n'est pas nécessairement une vie catholique. Ouais. Donc, il y a un mouvement aussi qui vient avec ça. Ouais. Ouais. Et le côté hors de l'ordinaire se poursuit pour elle à la fin du 19e siècle. Déjà, on l'a vu avec l'enfance, un père anarchiste qui doit s'exiler quelques années. Mm-hmm. Entre 1895 et 1902, Alexandra David-Nel poursuit une carrière de cantatrice, s'il vous plaît, qui va l'amener à voyager un peu partout. En Europe, en Afrique, en Asie. En Indochine, exactement. En Indochine. Son père voulait qu'elle ait une éducation en musique. Il voulait que ce soit une femme éduquée. Il faudrait que le père est derrière ça. Il l'envoie au conservatoire pour qu'elle étudie le piano et le chant. Et très vite, elle se révèle comme étant une grande chanteuse. Elle a la voix, elle a le talent et elle va être la première occidentale à aller chanter en Indochine, ce qui est quand même pas rien. C'est comme ça qu'elle va rencontrer le pianiste Jean Hustan. Et là, elle part de l'Indochine puis elle s'en va à Tunis. Et là, elle change complètement d'univers. Et là, ils vont travailler sur des pièces ensemble. Donc, elle ne fait pas juste chanter, elle compose aussi la musique, les paroles. Et elle a un nom de scène qui est Alexandra Myrial. Elle ne prend pas son long nom de Louise Eugénie Alexandra Marie David, et qui est son nom d'origine, qui est très long. Donc, Alexandra Myrial, petit clin d'œil à Victor Hugo, Misérable, avec l'évêque Myriel, en fait. Donc, il y a un petit jeu de mots ici. Et c'est à Tunis qu'elle rencontre Philippe Néel, qui est ingénieur pour les chemins de fer, en fait, à Tunis. Et là, une relation qui commence entre ces deux-là. Et en 1904, elle laisse sa carrière de cantatrice et elle devient une femme mariée. Ouais. Ce qui n'était peut-être pas le meilleur des choix. Et parallèlement à ça, depuis tout ce temps-là, elle écrit comme dans des revues féministes comme La Fronde. Sous le même pseudonyme. Voilà, Alexandra Myrial, où elle essaie justement de commencer à devenir une intellectuelle. La conversion au bouddhisme lui donne l'impression qu'il faut qu'elle se donne une carrière d'intellectuelle avant de pouvoir vraiment écrire là-dessus. Donc, elle commence par le féminisme. En même temps, ça l'intéresse plus ou moins parce qu'elle est avec des femmes de la bourgeoisie, de la haute société qui connaissent pas vraiment la réalité des femmes des autres classes. Donc, elle le fait juste pour se donner un nom quelque part. Elle fait tout ça en même temps. 1911, là, c'est là que ça devient intéressant. Alors qu'elle vient de publier son livre, il y en aura plein d'autres par la suite. Mais ce livre-là, c'est le modernisme bouddhiste et le bouddhisme du Bouddha. Elle décide de partir en voyage d'études. Elle est mariée, donc elle est mariée depuis 1904. 1911, elle dit à son mari, tiens, je vais partir quelques semaines en Inde. Elle va passer 14 ans là-bas, en Asie. Donc, très, très long voyage qui va lui permettre d'approfondir sa connaissance, sa pratique du bouddhisme aussi. À nouveau, on écoute sa secrétaire personnelle et biographe, Marie-Madeleine Perronnet, cette fois dans le documentaire réalisé en 1993 par Jeanne Mascolo de Philippi et Antoine de Maximi, documentaire qui s'appelle Alexandra David-Néel, du Sikkim au Tibet interdit. Alexandra doit toutes ses présentations à tous ces grands pontes de l'époque, elle le doit à Sidéon Kulku. Il a été réellement le sésame ouvre-toi. Alexandra était absolument inconnue à ce moment-là, bien sûr. Et c'est à lui aussi qu'elle doit l'audience privée qu'elle a obtenue avec le 13e Dalai Lama. Et c'était la première fois qu'il recevait une dame blanche. C'était assez fantastique parce qu'Alexandra venait ici pour faire des recherches philosophiques et elle obtenait là des réponses à ses questions philosophico-religieuses posées au plus grand de l'époque, aux plus grands érudits. Alors c'était une étude faite sur le terrain et c'est ce qu'Alexandra voulait. Car des grands pontes à Paris qui connaissent toutes les racines des mots, toutes les dates historiques, il y en a beaucoup. Comme elle l'écrivait un jour à son mari, j'ai pas besoin d'en faire un de plus. Mais dit, mais moi, quand les gens liront mes livres, je veux qu'ils disent, elle a connu ces gens, elle a vécu parmi eux. Sidéon Kulku est donc le futur Maharaja du Sikkim. C'est un jeune homme extrêmement cultivé, qui a fait les universités occidentales, il sort d'Oxford. Et c'était un garçon très désireux de faire évoluer son pays. Alors, tous les deux, ils s'associent pour essayer de provoquer une réforme religieuse, de retourner au bouddhisme authentique. Que cherche donc exactement Alexandra David-Néel quand elle débarque en Inde, Évelyne Ferron? C'est de son arrivée là, dont parle Marie-Madeleine Perronnet dans cet extrait. Oui, bien, c'est sûr que là, elle a pris des cours de tibétain en France, elle est allée à Paris, elle a quand même poussé ses études avant de partir. Elle a écrit, d'ailleurs, elle a commencé à devenir une orientaliste, mais elle réalise que c'est pas en Europe qu'elle va pouvoir véritablement comprendre la philosophie et le bouddhisme, mais surtout l'appliquer. Oui. Parce que c'est une pratique qui est intérieure, donc ça prend des techniques. Et c'est comme ça qu'elle décide d'aller en Inde pour découvrir un peu comment ces gens-là le mettent en pratique. Qu'est-ce que le lamrim, qui sont les étapes de la voie vers l'éveil? Comment on arrive en fait à devenir un Bouddha, à devenir un être éveillé? Et c'est comme ça qu'elle part en Inde. Elle se dit, je vais partir quelques semaines, je vais aller dans des monastères étudier, puis je vais revenir, chérie, ça sera pas très long. Et finalement, ben, elle est happée par le fait que ce savoir-là, il est ancestral, il est très vieux, il est très dense aussi, et qu'elle peut pas apprendre ça en deux semaines. C'est une vie, en fait. C'est plusieurs vies quand on croit à la réincarnation comme les bouddhistes pour apprendre tout ça. Alors là, le voyage s'étire et c'est sûr que de participer en tant que femme libre à la modernisation du bouddhisme dans un pays comme le royaume du Sikkim, mais je veux dire, elle avait une opportunité incroyable. Et c'est un peu à travers tout ça qu'elle va rencontrer le Dalai Lama, ce qui n'est pas rien. Et lui va lui donner cette envie non seulement d'aller au Tibet, mais de dire, oh, mais je dois rester et je dois apprendre et je dois approfondir ma pratique. Ça se met, tout ça se passe en même temps en quelques années seulement. De fait, en 1916, dans ce long voyage de 14 ans, donc on est encore assez tôt dans le voyage. Elle part en 1911 et déjà, donc, en 1916, elle entre une première fois au Tibet. À quoi ressemble sa vie au Tibet? On l'écoute en parler à l'ORTF en 1955. Parlez-moi du clergé tibétain. J'ai eu une connaissance de première main de la vie dans les monastères, car j'ai habité pendant plusieurs années dans l'un des plus grands monastères du Tibet, le célèbre monastère de Kumbum. Mais comment pouviez-vous habiter dans un monastère? Il y a des femmes dans les monastères tibétains? Oh, il n'y en a pas. Mon cas était exceptionnel. Les religieux tibétains ne vivent pas en communauté. Chacun a son domicile privé et j'avais le mien. Une maison dans une cour enclose par des murs qui contenait le logement des domestiques et les curés. Je passais la majeure partie du temps à étudier des textes tibétains et parfois je parcourais les environs. C'est pour cela que je gardais des chevaux dans mon écurie. Je n'ai pas toujours voyagé en mendiante. Alors, parlez-moi de... Ça, c'est le début, en fait. Premier séjour au Tibet en 1916. On est bien avant, puis on va y revenir, bien avant cette visite historique de Lhasa. Alors, comment ça se passe pour elle? Parlez-moi de ce premier épisode tibétain et de la longue route qui va suivre. Mais elle est là pour apprendre. Elle le dit, elle est en monastère. Donc, elle est là pour approfondir aussi sa connaissance de la langue. Apprendre le tibétain à Paris, c'est une chose. Apprendre le tibétain avec des Tibétains, c'en est une autre. Oui. C'est une langue qui est quand même très complexe, qui ne fonctionne pas du tout de la même façon que les langues occidentales. Alors déjà de s'initier l'oreille, d'être capable de communiquer avec ces gens-là et qui sont impressionnés. Et il faut dire que c'est ce qui lui donne cette porte d'entrée-là. Un prince indien l'a fait connaître, il lui donne les accès. Ouais. Ça, c'est son premier passeport. Mais le deuxième passeport, c'est qu'elle se fait comprendre. Et ça, il y a quand même un respect des Tibétains envers elle en se disant, mais vous parlez notre langue et vous nous comprenez. On est quand même très tôt dans l'histoire pour qu'une occidentale comprenne et soit capable de discuter. Une curiosité, probablement. Oui, parce que, bon, on l'entend, là, c'est un personnage. Ouais. Elle n'arrive pas, même si la pratique invite à être, comment je pourrais dire, très calme. Il faut se centrer sur soi. Ça, c'est dans la pratique de la méditation, mais on l'entend, c'est une femme qui est très vive. Ouais. Juste par sa voix, on sent que quand elle est arrivée, elle devait être une petite bombe, si vous me permettez l'expression. Mais on va avoir ce respect-là, parce qu'elle a le respect de la langue, de lui donner la chance d'étudier. Ouais. Mais est-ce qu'elle va avoir des cours privés? Probablement pas, parce que là, on n'avait pas cette conception-là de la femme au Tibet. Donc, elle étudie par elle-même. Ouais. Donc, étude du bouddhisme, probablement de la méditation, mais en même temps, le début d'un très, très long parcours là, qui va finir par la conduire à Lhasa en 1924. Mais parlez-moi un petit peu de cette... Ça sera long, c'est des années, beaucoup de territoires parcourus aussi, là, cette longue route. C'est des dizaines de milliers de kilomètres. Elle ne peut presque pas revenir, de fait, parce qu'elle est au Tibet, une première fois en 1916, c'est la Première Guerre mondiale. Ouais. Puis là, ben, elle va parcourir l'Asie. Oui, parce que de toute façon, elle ne peut pas revenir. C'est pas un bon moment pour retourner en Europe. Ça ne lui tente pas de revenir dans un contexte de guerre, de toute façon. Elle écrit à son mari tout le temps. Ils ont une correspondance quand même, ces deux-là. On en a perdu une partie parce que, bon, en Chine, ils ont détruit une partie de ses archives. Mais elle sait ce qui se passe. Ils communiquent. Et on se doute en fait que comment elle peut survivre? Quels sont ses revenus? Il faut que Philippe Nel, la finance. Bon, c'est quand même un riche ingénieur. C'est sûr que c'est lui qui finance ses voyages. Donc, il y a quand même un contact aussi qui se fait. Alors, elle part. Elle va retourner en Inde. Elle va aller en Chine. Elle va se rendre même jusqu'au Japon. Elle va vraiment visiter l'Asie, découvrir tous les lieux de culte bouddhiste et les différentes façons de le pratiquer parce que d'un pays à l'autre, c'est pas la même chose. Donc là, elle acquiert ce dont elle parlait au tout début, quand on disait c'est une reporter, c'est qu'elle vit ces pays-là. Elle le vit au quotidien, elle prend son temps, elle fait ça à pied la plupart du temps ou à cheval ou à dos de mulet à l'occasion, mais elle rencontre plein de grands personnages du bouddhisme et c'est un peu comme ça qu'elle va rencontrer un lama qui serait la réincarnation en fait d'un grand lama du passé qui s'appelle Yongden. Elle va l'adopter en 1929 et avec lui, bien, elle va avoir d'autres contacts aussi dans l'univers du bouddhisme. C'est comme ça qu'elle se met en tête d'atteindre le palais de Potala, d'entrer à Lhasa. Personne ne peut y entrer, ça s'est fermé. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle et son fils adoptif vont se déguiser en mendiants. Ils vont parcourir une très, très longue distance à pied pour atteindre Lhasa. 1924, Lhasa, capitale du Tibet. Le pays est fermé aux étrangers depuis 1792. Très rares sont ceux qui ont réussi à y pénétrer. Dans le plus grand secret, une femme occidentale réussit à franchir la frontière interdite. Cette femme, c'est Alexandra David-Nel, une exploratrice exceptionnelle qui n'a pas hésité à briser toutes les conventions sociales de son époque. Son appel du sacré et de l'absolu, conjugué à une endurance physique hors du commun, lui ont permis d'ouvrir les barrières d'un monde encore inconnu des Occidentaux. Les moines tibétains la surnommaient « l'ampe de sagesse ». De retour en France, Alexandra David-Nel est propulsée au rang des célébrités. Elle multiplie les écrits et les conférences. Les lecteurs européens se passionnent pour ses descriptions de la culture tibétaine. Par ses récits de voyage, elle leur ouvre la porte sur des paysages et des territoires encore inconnus. Extrait de l'émission Découverte du 5 septembre 2004. Comment Alexandra David-Nel réussit à entrer à Lhasa en 1924, Évelyne Ferron? Et surtout, qu'est-ce que ça représente comme exploit? Bien, c'est fermé, comme on l'entend dans l'extrait. Charles Tissard le dit très, très bien. C'est fermé aux étrangers. C'est le palais de Potala. C'est là que se trouve le Dalai Lama. C'est sacré. Et elle le sait, mais elle veut atteindre ce palais-là en particulier. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se déguise en mendiante. Elle va se mettre des vieilles peaux de yak. Elle va se mettre de la cendre dans le visage. Elle va même s'ajouter du poil de yak dans les cheveux pour avoir l'air vraiment d'une vieille dame du coin à la peau foncée qui mendie. Dans la tradition bouddhiste, les mendiants, on les nourrit. C'est bon pour le karma. Mais aussi, il faut être généreux envers les gens qui sont plus pauvres. Et elle est avec un lama. Ça attire toujours un peu les gens qui vont pouvoir lire un peu l'avenir, essayer comme d'avoir des visions de ce que les gens ont été dans leur passé ou des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à survivre. Mais elle le dit elle-même, elle arrive dans un état de squelette parce que, bon, elle va être bloquée par les neiges, elle va dormir souvent dans... quand c'est trop dangereux d'être découverte, elle va voyager la nuit, va dormir le jour, cachée dans des talus d'herbe. On le dit, endurance physique, c'est que, bon, le climat aussi, elle est en hauteur. Alors, il faut quand même comprendre que c'est l'altitude, il y a tout ça qui joue. Elle arrive vraiment épuisée à Potala, mais bon, quand les gens réalisent que c'est une femme, c'est une occidentale qui est rentrée, bon, on la laisse pas mourir de faim, on va les accueillir. Et après ça, elle retourne immédiatement après en Inde où elle est reçue. Les gens sont comme, elle a réussi, elle est rentrée à Lhasa, elle a vu de ses propres yeux Lhasa, parce qu'il n'y a pas de cellulaire là à l'époque, elle ne peut pas faire une, pardonnez-moi, mais une stories Instagram en disant, je suis à Lhasa et voilà. Alors, c'est phénoménal. Et on est à l'époque où là, les journaux commencent à faire justement du vedettariat. Ouais. Et elle est une des premières grosses vedettes comme ça, où parce qu'elle fait un exploit et on s'intéresse à ça parce que ça fait vendre les journaux, bien, on va miser sur elle énormément. Donc, de l'Inde, elle devient une star incontestée, une aventurière dont on n'avait jamais entendu parler, on dirait, de avant cet exploit, alors qu'elle était quand même dans le paysage depuis un certain temps. Et Marie-Madeleine Perronnet parlait d'elle comme d'une grande reporter. Mm-hmm. En fait, c'est ce qu'elle va faire dans différents livres. Il y aura Voyage d'une Parisienne à Lhasa, mais il y en aura d'autres. Elle va témoigner de cette réalité que personne ne connaît à l'époque dans ses différents livres et parler évidemment du bouddhisme. En 37, elle retourne en Chine. Elle va y passer 9 ans. Décidément, elle, c'est pas des voyages de week-end qui l'intéressent. Tant qu'à approfondir un sujet, on y va. Et c'est un voyage intéressant aussi. Elle va rencontrer vraiment des figures très, très importantes. Bien là, elle a la notoriété. Elle a la notoriété, donc elle va pouvoir étudier avec autant des spécialistes du bouddhisme donc en Inde, en Chine, parce qu'il y a plusieurs versions du bouddhisme, plusieurs interprétations des textes. Alors, c'est sûr qu'elle approfondit ça. C'est ce qui va faire en sorte qu'elle va écrire à son retour sur les tantras. Oui. Je veux dire, il faut le faire, là, parce que ça, c'est quelque chose de très mystique dans la philosophie bouddhiste. Mais il fallait qu'elle ait une compréhension de ça. Ça veut dire qu'elle a des initiations. Ça veut dire qu'elle a la chance d'aller très loin, en fait, dans son parcours. Et pour atteindre ce genre d'enseignement-là ou de transmission là, c'est qu'elle a obtenu ce respect des plus grands enseignants, en fait, de la philosophie bouddhiste. Donc, ce deuxième voyage-là, elle est établie. Là. C'est une orientaliste qui sait de quoi elle parle, qui maîtrise les langues, mais qui maîtrise aussi la base de la philosophie en même temps. Sinon, elle n'aurait jamais pu avoir accès à ces gens-là. Jamais. Alors, il faut comprendre qu'elle a un très grand respect de la part de l'élite du bouddhisme un peu partout en Asie. C'est pas rien. Et puis, elle rentre à Paris, donc, juste après la Seconde Guerre mondiale, puis elle va continuer d'écrire toute sa vie jusqu'à 101 ans. Oui, et ses livres vont être traduits dans plusieurs langues. En fait, son livre, Joanne une Parisienne à Lhasa, c'est Plon, en fait, qui était l'éditeur à l'époque. Très vite, ça va être traduit en anglais, ça va être traduit en allemand, ça va être traduit en croate, en danois. C'est probablement un des premiers livres à l'époque là, qui a une traduction internationale aussi rapide, parce qu'elle touche à un sujet que personne ne connaît. elle devient une grande écrivaine pour le restant de ses jours. Elle vit, elle écrit, elle est en retraite. Elle s'isole à Digne-les-Bains, donc où est sa maison, qui est aussi un musée aujourd'hui, où elle va méditer parce qu'elle pratique aussi le tout mot. Elle va s'asseoir sur le bord d'une rivière gelée. Elle va tremper des couvertures gelées dans l'eau, se mettre ça sur elle et faire avec la chaleur de son corps réchauffer les tissus. Elle pratiquait ce genre de méditation et de technique aussi, là, entre-temps. Évelyne Ferron, spécialiste en histoire ancienne, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire générale au Collège Mire ici à Québec. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.